Tu me demandes tout le temps les à surveiller pis tout ça, là. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. OK. En cours municipal à Charlebourg. Ça me fait tellement rire, cette affaire-là. Des carrés rouges. Du monde! Des carrés rouges qui allument que, hein? Quand je pose un geste, de crétins, des fois, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ah, ouais! C'est des manifestants du printemps 2012 qui réclament l'arrêt des procédures. Jérôme, le ticket que j'ai reçu, là. Oui. Faut le paye. Ouais, puis c'est quand même 500 piastres, hein. Il y a une dénommée Sophie Dufour, Beau Séjour, Frula Hébert, Lambert Lagacé. Ouda Pépin. Ouais, son vrai nom, c'est Sophie Dufour, Beau Séjour. c'est ça son nom. Elle demande l'arrêt des procédures parce qu'il y a un délai trop long. Ils comparaissent demain. Ah, elle trouve ça long! Là, ça fait 21 mois que les procédures traînent. Ils ont pogné l'étiquette de 500$, eux autres. Ah, il faut le payer! C'était une manifestation féministe, OK? Parce qu'ils trouvaient que c'était un peu anti-féministe, là, la hausse des frais de scolarité. Y avait-tu du n'importe quoi là-dedans? Ils ont pris ça où, là? Puis là, ce qu'elle dit, c'est que, 500$, là, c'est une somme considérable à mettre de côté. Et elle dit, c'est un mois de loyer pour plusieurs étudiants, ça, 500$. Elle y pense là. Ouais, puis l'autre affaire, c'est que, il y a le stress aussi. Elle dit dans Le Soleil un matin que nombre d'entre eux, parmi ceux qui ont été arrêtés, sont partis de Québec depuis longtemps et vivent le stress de ne pas savoir quand leurs activités pourraient être interrompues. Pour comparaître en cours. Permets-moi de quoter un collègue qui a quitté pour l'autre bout de l'Avin puis de dire « Ouais? Pis? » Ouais, c'est ça, là. Parce que là, faut-tu que j'aille de la peine, moi, là? T'as-tu ça, toi, un ticket de 500$ pis un ordre de comparaître? Ça traîne pas, là. Non? Regarde ça dans mon dossier, là. Il n'y a pas de ticket de 500$ qui traîne. T'as-tu manifesté, toi? Mais il y a un stress, hein, tu sais, c'est pauvre petit, c'est pas drôle, là. Sont-tu déconnectés? C'est épouvantable. Là, on est en train de réaliser que l'étiquette qu'on a reçue, Faudra les payer. Ça va être drôle, ça, demain, à cour municipale de Charlebourg. Non. Ça va être comique, ça. Je souhaite la bienvenue dans le monde des adultes à Sophie Lalande, Bérubé, Lalancette, Oudan Pépin. Bienvenue dans le monde merveilleux de la réalité. Oui, Sophie Dufour, Beau Séjour, Nugent Hopkins, qui veut pas payer son ticket de 500 piastres. With great stupidity comes great ticket. C'est ça la vie aussi. On va surveiller ça, c'est demain. Sinon, aujourd'hui, normalement, on va avoir Jean Lavallée. Je peux pas croire Jean Lavallée qui...